choses que j'ai volées aux quatre vents, que je t'aime, que je t'aime. Et quelques étoiles qui brillaient au firmament, que je t'aime, que je t'aime. J'ai pris quelques fleurs sauvages, tout humide de rosée. Les quatre roses se flétrir, que je t'aime, que je t'aime. Sur ton front de lumière, j'ai vu les étoiles pâlir, que je t'aime, que je t'aime. La rosée des fleurs sauvages a coulé de tes yeux bleus, dispersant ton maquillage. Et les mille oiseaux se sont soudain mis à chanter, que je t'aime, que je t'aime. Mais leur chant est laid d'une triste gaieté, que je t'aime, que je t'aime. Des douleurs de leur plumage s'éternuent dans tes cheveux. Celui d'un adieu. J'ai remis les quatre roses dans la rose des vents. Et les étoiles à leur place au sol du firmament.